Selon les presses sud-coréennes, des formations sud-coréennes ont livré le 2 au siège du gouvernement à Séoul une manifestation contre la tournée en Corée du Sud du secrétaire américain à la défense qui annonce la crise de guerre. L'Action nationale extraordinaire pour la destitution du pouvoir de Park Geun-hye a ouvert une conférence de presse pour dénoncer que sa visite en Corée du Sud est destinée à réclamer la pression au Nord. Par ailleurs, les membres de l'Action nationale contre la disposition de Saad et de l'Action nationale contre la guerre et pour la paix ont manifesté avec les pancartes « Nous n'avons pas besoin de Saad américain » et « Assez les exercices militaires, commencer la négociation de la paix ». Les manifestants ont réclamé l'interruption du conciliabule pour la pression militaire contre le Nord, la disposition en Corée du Sud de Saad, l'établissement du système de défense antimissile tripartite et d'autres problèmes.